Yama Music. J'arrive pour foutre la concurrence au placard, je crois pas en la chance, je vais pas faire, c'est par hasard, le flow lui est à part. J'ai grosse voix de bâtard, je suis très généreux, de rimerie, je suis pas avare. Sur le beat, je vais faire preuve de technicité, les multisyllabiques sont trop plébiscités. Faudra me féliciter pour le fait que je sois cité, comme la relève du rap sans parler de la cité. Ouais, c'est bon, ça c'est que le premier acte. Allez, guette, c'est con. Dis-moi pourquoi tu jactes. La jalousie est un vilain défaut. Des potes, t'en as des vrais, t'en as aussi des faux. Même si j'hésite des fois dans le générique de fin, je suis sûr que d'une chose, la concu sera des fins. La concurrence, la concurrence, la concurrence, moi je la vois pas. Mais où est-elle? Aucune idée. Elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, la concurrence, la concurrence, moi je la vois pas. Mais où est-elle? Je crois qu'on m'a menti, bon, elle n'existe pas. Tu m'as connu avec le rap poulet, je voulais juste délirer à la base. Maintenant c'est la bataille navale, touché, coulé, je laisse la concu boire la tasse. A chaque texte de rap en sec, je casse, c'est pour une folle Marianne. Balance des punchlines venues de l'espace, je suis sponsor par Ariane. Ou Apollo, espèce de rigolo. Ça fait un an que je me suis lancé dans le rap, va falloir tout miser sur moi comme au loto. Ils se demandent tous d'où vient ce mec, qui kick sale, qui n'est pas sympa, je déborde de flot. Depuis ma naissance, c'est Niagara dans le placenta. La concurrence, la concurrence. La concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Aucune idée, elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, la concurrence, la concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Encore née. Je crois qu'on m'a menti, gros, elle existe pas. Y'a ma musique à la prod, à mes quant à lui est à la réalisation. J'ai des palpitations, quand je sais que les phases de ce morceau deviendront cultes, seront vos citations. Oh, quelle excitation, oh putain, mon inspiration est sans fin en accélération. Je mets pas le frein, parle-moi de méditation, j'entends rien. Comment veux-tu que je me calme quand on compare à des gens qui sont pas au niveau sur une instrumentale? Je ne les vois même pas, mais eux croient qu'on est des rivaux. Comment veux-tu que je me calme quand on me compare à des gens qui sont pas au niveau sur une instrumentale? Je ne les vois même pas, mais eux croient qu'on est des rivaux. La concurrence, la concurrence, la concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Aucune idée, elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, la concurrence, la concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Encore née. Je crois qu'on m'a menti, gros, elle n'existe pas. La concurrence, la concurrence, la concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Aucune idée, elle est sûrement trop loin de moi. La concurrence, la concurrence, la concurrence, moi je la vois pas, mais où est-elle? Encore née. Je crois qu'on m'a menti, gros, elle n'existe pas.